La Bible David Martin 1744. Lévitique chapitre 1. Or l'Éternel appela Moïse, et lui parla du tabernacle d'assignation, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, quand quelqu'un d'entre vous offrira à l'Éternel, une offrande d'une bête à quatre pieds, il fera son offrande de gros ou de menu bétail. Si son offrande pour un holocauste est de gros bétail, il offrira un mâle sans tare, il l'offrira de son bon gré, à l'entrée du tabernacle d'assignation, devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste, et il sera agréé pour lui, afin de faire propitiation pour lui. Puis on égorgera le veau devant l'Éternel, et les fils d'Aaron sacrificateurs en offriront le sang, et ils répandront le sang tout autour sur l'autel, qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et on égorgera l'holocauste, et on le coupera par pièces. Et les fils d'Aaron sacrificateurs mettront le feu sur l'autel, et arrangeront le bois sur le feu. Et les fils d'Aaron sacrificateurs arrangeront les pièces, la tête, et la fraisseur au-dessus du bois, qui sera au feu sur l'autel. Mais il lavera avec de l'eau le ventre et les jambes, et le sacrificateur fera fumer toutes ces choses sur l'autel, c'est un holocauste, un sacrifice fait par feu, en bonne odeur à l'Éternel. Que si son offrande pour l'holocauste est de menu bétail, d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, il offrira un mâle sans tare. Et on l'égorgera à côté de l'autel vers le septentrion devant l'Éternel, et les fils d'Aaron sacrificateurs en répandront le sang sur l'autel tout autour. Puis on le coupera par pièces, avec sa tête, et sa fraissure, et le sacrificateur les arrangera sur le bois qui sera au feu qui est sur l'autel. Mais il lavera avec de l'eau le ventre et les jambes. Puis le sacrificateur offrira toutes ces choses, et les fera fumer sur l'autel, c'est un holocauste, un sacrifice fait par feu d'agréable odeur à l'Éternel. Que si son offrande pour l'holocauste est l'Éternel et d'oiseaux, il fera son offrande de tourterelles, ou de pigeonneaux. Et le sacrificateur l'offrira sur l'autel, et lui entamera la tête avec l'ongle, afin de la faire fumer sur l'autel, et il en épreindra le sang aux côtés de l'autel. Et il ôtera son jabot avec sa plume, et les jettera près de l'autel vers l'orient, où seront les cendres. Il l'entamera donc avec ses ailes sans le diviser, et le sacrificateur le fera fumer sur l'autel, au-dessus du bois qui sera au feu, c'est un holocauste, un sacrifice fait par feu d'agréable odeur à l'Éternel.